Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 156, de l'incontinence. En quoi consiste l'incontinence? Du péché d'incontinence. Rapport de l'incontinence et de l'intempérance. Incontinence de la colère et de la concupiscence. 1. L'incontinence est-elle dans l'âme ou dans le corps? L'incontinence ne s'applique pas aux animaux, elle se rapporte à ce qui nous en distingue principalement, à notre âme. Le corps lui fournit des occasions par les passions de l'appétit sensitif, mais ces passions, si violentes qu'elles soient, restent toujours des occasions, elles n'en sont pas la cause suffisante et vraie. L'homme, en effet, tant qu'il jouit de l'usage de sa raison, peut toujours leur résister, et, dès qu'il en est privé totalement, il n'y a plus lieu de parler de continence ou d'incontinence. Preuve que le jugement de la raison rend continent celui qui le suit, et incontinent celui qui l'abandonne. L'incontinence, on le voit, est dans l'âme elle-même, qui néglige de résister aux passions, soit qu'elle leur cède avant d'écouter la raison, ce qui est une incontinence sans frein, soit qu'elle ne persiste pas dans les desseins que la raison lui a fait prendre, ce que l'on nomme l'incontinence des faibles. 2. L'incontinence est-elle un péché? Saint Paul range l'incontinence parmi les autres péchés, en disant, les calomniateurs, les incontinents, etc. 2. Timothée 3:3. Donc elle est un péché. Prise dans son sens propre, l'incontinence, qui a pour objet la concupiscence des plaisirs du toucher, est un péché, non seulement parce qu'elle éloigne l'homme de la raison, mais parce qu'elle recherche des concupiscences dépravées, sa matière spéciale. Prise, dans le sens restreint, pour le désir déréglé des honneurs, des richesses et des autres choses bonnes en elle-même, elle est encore un péché, non plus à cause des concupiscences mauvaises en soi, mais comme dépassant les bornes de la raison. S'il s'agissait de biens dont on ne peut pas abuser, par exemple de la vertu, le mot incontinence, pris au figuré, loin d'énoncer un péché, pourrait désigner la perfection même de la vertu. Note. Ce dernier sens est peu usité dans la langue française. Quelqu'un dira, nul ne pêche en faisant ce qu'il ne saurait éviter. Or, d'après cette parole, je sais que je ne puis avoir la continence, si Dieu ne me la donne. Sagesse 8, 21. Aucun homme ne peut de lui-même éviter l'incontinence. De ce que l'homme a besoin de la grâce pour garder la continence, il ne s'ensuit pas que l'incontinence ne soit point un péché, nous pouvons faire le bien et éviter le mal, quoique nous ne puissions faire ni l'un ni l'autre sans la grâce. Selon cette parole du Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, 5. Ce que nous pouvons par nos amis, dit Aristote, nous le pouvons en quelque façon par nous-mêmes. Fin de la note. 3. L'incontinent est-il plus coupable que l'intempérant? Aristote a dit, l'intempérant ne se repent pas, il persévère dans son choix. L'incontinent, au contraire, est susceptible de regret. Chez l'intempérant, en effet, la volonté s'incline d'elle-même au péché par une élection née d'une habitude acquise, tandis que, dans l'incontinent, la volonté est inclinée au péché par quelque passion. S'il est indubitable que la passion passe avec rapidité et que les habitudes changent difficilement, l'incontinent peut ne pas tarder à se repentir, au lieu que l'intempérant se réjouit des fautes rendues naturelles pour lui par son habitude même. N'était-ce pas des intempérants que le sage disait, plein de joie d'avoir fait le mal, Ils s'applaudissent des actions les plus infâmes, Proverbe 2, 14. Par conséquent, l'intempérant est plus coupable que l'incontinent. Note. L'intempérant, estimant qu'il est bon de s'abandonner sans frein à toutes les concupiscences, ne fait pas une juste appréciation de la fin dernière. Ensuite, il y a chez lui une habitude contractée. Il est en proie à une maladie chronique, qui n'est pas sans ressemblance avec la phtisie. L'incontinent conserve du moins les principes, il ne cède qu'à la passion, chez lui, c'est la fièvre tierce, cessant avec la commotion des humeurs. À l'aide de la grâce et des avertissements extérieurs, on peut le ramener à la vertu. La guérison de l'intempérance s'obtient aussi par les mêmes moyens, mais elle est plus difficile. Fin de la note. 4. L'incontinence de la colère est-elle plus coupable que celle de la concupiscence? Le philosophe a dit, l'incontinence de la colère est moins honteuse que celle de la concupiscence. Le péché d'incontinence peut s'envisager sous deux aspects, d'abord sous celui de la passion qui domine la raison, et, de ce côté, l'incontinence de la concupiscence est plus honteuse que celle de la colère, pour plusieurs motifs. La colère participe d'une certaine façon à la raison, qui veut venger une injure, la concupiscence vient entièrement des sens. La colère s'enflamme plus vite que la concupiscence, on lui doit plus d'indulgence. La colère se montre à la lumière, la concupiscence se déguise et se cache. La colère n'agit que sous l'action de la tristesse, la concupiscence agit avec plaisir. Envisagé sous le second aspect, du côté des effets qui s'ensuivent, l'incontinence de la colère peut devenir plus grave que celle de la concupiscence, elle conduit parfois à des actes plus nuisibles au prochain. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.